Deuxième partie. Chapitre 4 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Cutty. La Commune par Louise Michel, deuxième partie. République du 4 septembre. Chapitre 4, du 31 octobre au 22 janvier. Les voilà revêtus du linceul de l'Empire, s'y ensevelissant, et la France avec eux. Et le nain foutriquet, le gnome fatidique, cousant le voile horrible avec ses doigts hideux. Louise Michel, les spectres. Oui, c'était bien l'Empire. Les prisons pleines, la peur et les délations à l'ordre du jour, les défaites changées en victoires sur les affiches. Les sorties refusées. Le nom du vieux Blanqui secoué comme un épouvantail devant la bêtise humaine. Les généraux, si lents devant l'invasion, se hâtant de menacer la foule. Juin et décembre à l'horizon, plus épouvantables que par le passé. Jules Favre, qu'on ne peut accuser de forcer le tableau dans des vues révolutionnaires, raconte ainsi la situation vis-à-vis de l'armée. Le général Ducrot, qui occupait, le 31 octobre, la porte Maillot, apprenant l'échec du gouvernement, n'attendit pas les ordres. Il fit prendre les armes à sa troupe, attela ses canons et se mit en marche vers Paris. Il ne rétrograda que quand ce fut fini. Ducrot, pour cette fois, n'était pas en retard. Aussi, il s'agissait de la foule. Jules Favre, dans le même livre, dit à propos de la théorie soutenue par Trochu à propos des places abandonnées par l'armée, quant à la perte du Bourget, le général déclara qu'elle n'avait aucune signification militaire et que la population de Paris s'en était émue fort mal à propos. L'occupation du village avait eu lieu sans ordre et contrairement au système général arrêté par le gouvernement de Paris et le comité de la défense. Il aurait toujours fallu se retirer. Jules Favre, le gouvernement de la défense nationale, premier volume. C'était bien le même Jules Favre qui, sous l'Empire, avait dit audacieusement « Ce procès peut être regardé comme un fragment d'un miroir brisé où le pays peut se voir tout entier. Il s'agissait des corruptions du régime impérial. Mais nul homme ne résiste au pouvoir, il faut qu'il tombe. La République de septembre en était au plébiscite. Or, tout plébiscite, grâce à l'apeurement, à l'ignorance, donne toujours la majorité contre le droit, c'est-à-dire au gouvernement qu'il invoque. Les soldats, les marins, les réfugiés des environs de Paris votèrent militairement et peut-être, on ajouta, les 300 000 Parisiens qui s'abstinrent, de sorte que la défense nationale compta 321 373 oui. Les bruits de victoire ne cessaient pas. Le général Cambriel avait accompli tant d'exploits qu'on ne croyait pas à un seul. La légende courait que les malfaiteurs du 31 octobre avaient emporté de l'hôtel de ville l'argenterie et les sceaux de l'État. Après le plébiscite du 3 novembre, le gouvernement annonça qu'il allait remplir ses promesses et procéder à des élections municipales. Pendant ce temps, les prévenus du 31 octobre étaient toujours en prison, mais lorsqu'ils comparurent 3 mois après, devant un conseil de guerre, il fallut acquitter tous ceux qui étaient présents, l'accusation leur ayant reproché d'avoir été les adversaires de l'Empire. Puisqu'on se prétendait en République, l'accusation tombait d'elle-même. Constant Martin avait été oublié cette fois-ci, on devait se rattraper 26 ans après. Une partie de ceux qui avaient été inculpés furent élus comme protestation dans les diverses mairies de Paris. Les maires et adjoints républicains furent réélus. Il y eut diverses mairies, comme maire ou adjoint, Rancier, Flourens, Le Français, Dereur, Jacquelart, Millière, Malon, Poirier, Éligon, Tolin, Murat, Clémenceau, Lafont. Ranvier, Florence, Le Français, Millière, Jacquard étaient toujours prisonniers. Montmartre, mairie, comité de vigilance, club, habitants étaient avec Belleville l'épouvantail des gens de l'ordre. On avait l'habitude dans les quartiers populaires de ne pas trop s'inquiéter des gouvernants. La meneuse, c'était la liberté. Elle ne capitulerait pas. Au comité de vigilance se réunissaient les hommes absolument dévoués à la révolution. Promis d'avance à la mort, là se retrempaient les courages. On s'y sentait libre, regardant à la fois le passé, sans trop copier 93, et l'avenir, sans craindre l'inconnu. On y venait par attirance, ayant les caractères s'harmonisant ensemble. Les enthousiastes et les sceptiques, fanatiques tous, de la Révolution, la voulant belle, idéalement grande. Une fois réunis au 41 de la chaussée Clignancourt, où l'on se chauffait plus souvent du feu de l'idée que de bûches ou de charbon, ne jetant que dans les grandes occasions un dictionnaire ou une chaise dans la cheminée quand on recevait quelques délégués. On avait peine à en sortir. Vers 5 ou 6 heures du soir, tous arrivaient. On résumait le travail fait dans la journée, celui à faire le lendemain. On causait et arrachant jusqu'à la dernière minute, chacun partait à 8 heures à son club respectif. Parfois, on allait plusieurs ensemble tomber dans quelques clubs réactionnaires, faire de la propagande républicaine. Au comité de vigilance de Montmartre et à la patrie en danger, j'ai passé mes plus belles heures du siège. On y vivait un peu en avant, avec une joie de se sentir dans son élément, au milieu de la lutte intense pour la liberté. Plusieurs clubs étaient présidés par des membres du comité de vigilance. Celui de la Reine Blanche l'était par Burlot, un autre par Avronsart, celui de la Salle Perrault par Ferré et celui de la Justice de Paix par moi. On nommait ces deux derniers clubs de la Révolution, district des grandes carrières. Appellation particulièrement désagréable aux gens qui s'imaginaient y voir passer 93. Le mot présidé ne s'entendait pas alors par une fonction honorifique, mais par l'acceptation devant le gouvernement de la responsabilité, ce qui se traduisait par la prison et par le devoir de rester à son poste en maintenant la liberté de la Réunion malgré les bataillons réactionnaires qui venaient jusqu'au bureau menacer et injurier les orateurs. Je disposais d'ordinaire près de moi sur le bureau un petit vieux pistolet sans chien qui, habilement placé et saisi au bon moment, arrêta souvent les gens de l'ordre qui arrivaient frappant à terre leurs fusils ornés de la baïonnette. Les clubs du quartier latin, ceux des arrondissements populaires, étaient d'accord. Un jeune homme disait le 13 janvier, rue d'Arras, « La situation est désespérée, mais la commune fera appel au courage, à la science, à l'énergie, à la jeunesse. Elle repoussera les Prussiens avec une indomptable énergie, mais qu'ils acceptent la République sociale, nous leur tendrons la main et nous marquerons l'ère du bonheur des peuples. » Malgré l'insistance de Paris à réclamer des sorties, ce fut le 19 janvier seulement que le gouvernement consentit à laisser la garde nationale tenter de reprendre Montretout et Buzenval. D'abord, les places furent emportées. Mais les hommes entrant jusqu'aux chevilles dans la boue détrempée ne purent monter les pieds sur les collines. Il fallut se replier. Là, restèrent par centaines jetant bravement leur vie des gardes nationaux, hommes du peuple, artistes, jeunes gens. La terre but le sang de cette première hécatombe parisienne. Elle devait en être saturée. Laissons raconter à Cipriani, qui faisait partie du 19e régiment commandé par Rochebrune, la bataille de Montretout. Nous quittâmes Paris, dit-il, dans la matinée du 18. Le soir, nous campions aux environs de Montretout. Le 19, à 5h du matin, après avoir mangé un morceau de pain et bu un verre de vin, nous nous mîmes en marche pour le champ de bataille. À 7h, nous entrions en ligne. On se battait déjà depuis 2 heures. Rochebrune s'avance rapidement au plus fort du combat. Un bataillon commandé par Deboulin resta à la ferme de la Fouilleuse. 2 compagnies prirent place au pavillon de chêne. Le reste du régiment se porta hardiment en première ligne. On se battit encore pendant 2 heures. Alors Rochebrune, se tournant vers moi, me dit « Allez chercher le bataillon resté à la Fouilleuse. » Arrivé à cet endroit, je communiquai l'ordre au major Deboulin. « Il me faut, répondit-il, un ordre du major commandant pour marcher. » « Comment, lui dis-je, votre colonel le demande parce que le combat l'exige et vous refusez ?»« Je ne puis, dit-il. » Je dus porter cette lâche réponse à Rochebrune, qui en l'entendant se mordit les mains de rage, en criant « Trahison partout !» et montant debout sur le mur qui fermait de ce côté, il commanda de le suivre, mais en même temps, il tombait frappé mortellement. J'ai pris part à quelques batailles, mais dans aucune, je n'ai vu de soldats se trouver en plus grande perdition que les braves gardes nationaux dans cette journée du 19 janvier. Ils étaient mitraillés en face par les Prussiens, derrière par le Mont-Valérien qui envoyait ses obus sur nous, croyant viser l'armée ennemie. Là, s'était renfermé le fameux gouverneur de Paris qui ne se rend pas. Sur la droite, nous étions mitraillés encore par une batterie française placée à Rueil qui trouvait le moyen de nous prendre pour les Prussiens. Malgré cela, Pas un ne bougeait de sa place, et ceux qui avaient épuisé leurs cartouches prenaient celle des morts. À 4 heures de l'après-midi, comme on combattait depuis 9 heures, arriva un ordre de Ducrot de battre en retraite. Nous refusâmes, continuant la fusillade jusqu'à 10 heures du soir. Nous aurions pu continuer toujours, car les premiers qui avaient déjà plié bagages n'avaient nulle envie de nous surprendre. Donc, ce 19 janvier, sans la trahison ou l'imbécilité, la trouée était faite, Paris dégagée, la France délivrée. Trochu, Ducrot, Vinoy et Tutti Quanti ne l'ont pas voulu. La République victorieuse eut refoulé loin dans le passé les espérances de l'Empire et prouvé à jamais l'incapacité des généraux de Napoléon III. Il fallait pour une restauration impériale que la République sombrât, et c'est ce qui fut tenté. Pendant tout le temps que dura la bataille de Montretout, je vis Ducrot caché derrière un mur, un prêtre à son côté, et devant eux, étendu à leurs pieds, un nègre qui avait eu la tête emportée par un obus du Mont-Valérien. Cette bataille coûta la vie à quelques milliers d'hommes. Vers 11 heures du soir, les débris du 19e régiment se mettaient en marche sur Paris pour l'enterrement de Rochebrune. La nouvelle de la défaite de Montretout avait agité les Parisiens à un tel point que le vaillant Trochu n'osa plus s'y montrer. Vinoy prit sa place. Le lendemain 20 janvier, nous fûmes convoqués boulevard Richard Lenoir pour assister aux funérailles de notre pauvre ami Rochebrune. Partout, on entendait dire qu'il fallait se débarrasser de ceux qui avaient trahi jusqu'à ce jour. On parlait de s'emparer du corps de Rochebrune et de marcher à l'hôtel de ville. Le temps avait manqué pour avertir les membres de la Légion garibaldienne, de la Ligue républicaine et de l'Internationale, disséminés dans tous les bataillons de la garde nationale. Une poignée d'hommes résolus se trouvait au rendez-vous, mais poignée d'autant plus insuffisante que ceux en qui la foule avait confiance se trouvaient en prison. L'enterrement de Rochebrune se passa donc sans aucun incident, si ce n'est que je vis Deboulin, lequel, m'apercevant, voulut me donner une poignée de main en m'appelant un brave. Je refusai en lui répondant « Cela se peut, mais vous ne pouvez pas le savoir, car vous vous êtes caché, vous êtes un traître. » Pour en finir avec ce misérable, je dirais que quelques jours après, je le rencontrai de nouveau. À ma grande stupéfaction, je le vis décoré de la Légion d'honneur et colonel. C'était le prix de sa trahison. Un autre aussi fut décoré, c'est le capitaine D, qui n'avait pas paru tout le temps de la bataille. Voilà les deux seuls fuyards que j'ai vus à Montretout. Ils furent faits chevaliers de la Légion d'honneur. Amilcar Cipriani. À Montretout fut tué, entre autres, Gustave Lambert, qui peu de temps avant la guerre organisait une expédition pour le pôle Nord par le détroit de Bering. On s'occupa beaucoup cette année-là des pôles. Il avait été question aussi en 70 de la tenter en ballon. Cette même année 70-71, les explorateurs étaient au nombre de 3. Chacun par un chemin différent. Il y avait un Américain, un Anglais, un Français. Ce dernier seul, qui était Lambert, ne partit pas. Ces passionnantes expéditions trouvaient parmi nous des enthousiastes. Aujourd'hui, semblable voyage se prépare. Les explorateurs sont 3 également, un Américain, Perry, un Anglais, Jackson, un Norvégien, Janssen. Un autre Norvégien, Nansen, de retour en ce moment, raconte son voyage sur l'indestructible navire, le Fram. Et comme il y a 25 ans, grand nombre d'entre nous songent au temps ardemment désiré, où dans la grande paix de l'humanité, la Terre sera connue, la science familière à tous, où des flottes traverseront l'air et glisseront sous les flots, parmi les coraux, les forêts sous-marines qui recouvrent tant d'épaves, où les éléments seront domptés, l'âpre nature adoucie pour l'être conscient et libre qui nous succédera. Souvent, au fond de ma pensée, passa l'appel des noms au club de la Révolution. C'est l'appel des spectres. Mais voir le progrès éternel, c'était en quelques heures vivre éternellement. Fin du 31 octobre au 22 janvier. Enregistré par Cutty.